C'est peu dire que l'histoire des sciences, telle qu'elle nous est ici contée et telle que nous la racontons nous-mêmes chaque jeudi à cette antenne, est très largement occidentalo-centrée. Ainsi, l'histoire de la médecine dépeint largement l'essor de la Renaissance à travers la redécouverte des textes antiques et notamment hellénistiques. Or, entre le 5e et le 15e siècle, pendant ces 1000 ans de l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane, les savants de langue arabe ne se sont pas contentés de conserver les savoirs hérités de la Grèce antique. Ils ont largement contribué à les développer, à les préciser, voire à les réfuter. C'est cette histoire de la médecine arabe que nous allons aujourd'hui vous conter. L'âge d'or de la médecine arabe, c'est le programme décentralisé qui est le nôtre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nos deux narrateurs de cette autre histoire de la médecine sont aujourd'hui Daniel Jacquard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études émérite à l'école pratique des hautes études dans la chaire d'histoire des sciences du Moyen-Âge, membre de l'Académie internationale de l'histoire des sciences. Et bonjour Bruno Alioua. Bonjour. Vous êtes dermatologue, enseignant d'histoire de la médecine à Sorbonne Université et membre de la Société française d'histoire de la médecine. Vous pouvez suivre cette émission eh bien, via votre mode d'écoute favori, mais comme toujours en complément, en parallèle, via notre fil Twitter @laméthodefc où nous allons poster un certain nombre de liens vers des références, des textes, des études, des illustrations qui viendront donc compléter cette écoute qui est la vôtre. Pour commencer, peut-être un peu de lexicologie comparée. De quoi parle-t-on exactement, Daniel Jacquard, on parle de médecine arabe, de médecine arabo-musulmane, de médecine arabo-islamique. Est-ce qu'il y a une terminologie précise ? Il y a différents. Enfin, chacun fait son choix un peu, et aucune expression n'est vraiment bonne. Bon, quand on dit médecine arabe, ce que je préfère personnellement, ça veut dire la médecine, les textes médicaux, la médecine qui a été écrite en langue arabe durant la période qui correspond à notre Moyen Âge. Donc jusqu'au 15e siècle, hein, à partir du 7e, plutôt 8e, jusqu'au 15e siècle. Quand on dit médecine islamique, ça veut dire la médecine qui a été écrite et exercée dans ce qui formait l'empire musulman, enfin les pays d'obédience musulmane. Mais bon, ça a l'inconvénient de contenir aussi des auteurs qui n'étaient pas musulmans. Bon, de la même manière, médecine arabe, on se fonde sur la langue d'écriture, mais ceux qui écrivaient n'étaient pas forcément de langue maternelle arabe. Donc, rien n'est bon. Pour ma part, je préfère médecine arabe, c'est la médecine qui a été écrite en langue arabe. Oui. C'est clair comme ça. Il n'y a pas de connotation ethnique ou quoi que ce soit. C'est ça, Bruno Alioua. Ce qu'il faut dire, c'est que l'arabe était la langue d'échange savante parcourait, voilà. Tout à fait, c'est la langue de communication qu'on retrouve depuis Cordoue jusqu'à l'Indus et qui jouera un rôle très important dans la diffusion de ce savoir médical, puisque finalement, entre les médecins de Cordoue et les médecins perses, finalement, c'est le même langage et c'est peut-être ça, c'est cette langue qui sera finalement probablement qui jouera un rôle de ciment et qui permettra en fait cette diffusion du savoir. Hein. On peut s'en vulgariser complètement, mais ça, on pourrait dire que c'est vraiment la langue universelle au Moyen-Âge, puisque c'est vrai que pendant le même temps et dans l'Occident médiéval, finalement, on a moins cette diffusion du savoir parce qu'il n'y a qu'une seule langue, le latin, qui est réservée qu'à une classe de personnes. Daniel Jacquard, vous allez. C'est la même chose. Non, mais allez-y. Non, mais c'est vrai, la langue arabe a assuré la continuité à la fois de la science et de la médecine arabe, et qui a été écrite dans des lieux fort différents, à des époques fort différentes, mais les manuscrits circulaient. Bon, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec le latin, malgré tout, plus tard, et ce qui se passait dans l'Antiquité avec le grec. Et donc, c'est la langue de diffusion du savoir, et donc ce qui permet de faire une continuité, c'est-à-dire les savants d'Espagne pouvant lire ce que des prédécesseurs avaient écrit à Damas ou à Bagdad, vous voyez, et donc c'est ce qui établit, c'est pour ça qu'on peut parler de médecine arabe, en ce sens qu'il y a vraiment un fil continu grâce à la langue. L'autre grande force unificatrice, c'est aussi la religion, bien entendu, hein, c'est un grand empire musulman islamique. Est-il vrai, peut-on dire, là où, on l'a d'ailleurs pas mal dit ici, au Moyen-Âge, la chrétienté interdit un certain nombre de choses, verrouille le savoir médical, non, interdit la dissection, non, peut-on dire... Ah non, alors vous n'êtes pas d'accord, Daniel Jacquard. On sent que ce sont des lieux communs qu'il faut absolument... C'est pour ça que je vous pose la question, parce non, que nous non, sommes là pour non, les démonter. Voilà. Non, non. Les dissections, on n'en a pas fait beaucoup plus dans l'Empire musulman, enfin, sous les musulmans. C'était un gros problème, et de toute façon, il n'y a jamais eu d'interdiction des dissections en Europe chrétienne, et on a commencé à en faire au XIIIe siècle. Bruno Ayoua. Oui, je crois que tout à l'heure, vous avez parlé de la langue arabe. Il y a quand même peut-être un petit plus qui est assez extraordinaire, c'est le rôle des traducteurs des textes médicaux qui vont en fait inventer en arabe des termes médicaux en utilisant certaines racines de mots. Par donc exemple. Ils vont... J'ai pas une maîtrise complète, mais le mot, il y a des mots qu'on retrouve aujourd'hui, l'alambic, le musc. Il y a des mots qui sont en fait, ils vont utiliser pour décrire certains symptômes médicaux, certaines fièvres, certaines maladies. En fait, des racines de mots arabes, ce qui va, ils vont créer en fait un vocabulaire médical. Et bien s'exprimer en médecine, c'est déjà quelque chose d'important. Alors que finalement, on a, et c'est quand même assez novateur, c'est-à-dire inventer des maladies à partir de mots, des symptômes, des troubles, et, etc. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je pense que la dissection, il y a peut-être un petit plus dans la civilisation arabo-islamique, c'est que on va faire des dissections sur des animaux. C'est-à-dire que certains médecins vont utiliser des singes qui ont été acquis à des prix assez chers pour faire des dissections, pour essayer de comprendre le corps humain. On a la même chose dans l'Occident, mais pas à la même dimension. La question que je posais tout de même sur l'islam, quand on s'intéresse justement à cet âge d'or de la médecine arabe, c'est qu'on lit souvent, et j'aimerais vous soumettre à l'un et à l'autre, le fait que l'islam est peut-être plus scientifico-compatible en tant que le Coran, notamment en tant que texte sacré. On trouve un certain nombre de hadiths que je peux vous citer, par exemple, l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs, ou chercher la science du berceau jusqu'au tombeau, ne serait-ce jusqu'en Chine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que là aussi c'est un lieu commun, Daniel Jacquard? Bon, vous savez, il y a tout et son contraire. Hein, bon. C'est certain que dans les textes sacrés, on trouve tout et son contraire. Donc, mais... parce que vous avez parallèlement à cette médecine dont nous allons parler, il y a eu ce qu'on appelle la médecine du prophète, bon, qui était faite à partir d'un fond folklorique, je dirais, pré-islamique, et en même temps qui utilisait ce qu'on appelle les hadiths, hein, les proverbes, des formules attribuées aux prophètes, qui étaient souvent, qui étaient contre cette médecine de lettré. Hein, donc, vous voyez, il y a tout. Bon, comme aussi en Europe chrétienne, peut-être y en a-t-il eu moins des tensions, quoi qu'on dise. Il y a toujours eu une tension pour la médecine comme pour les autres sciences dans le monde musulman. Hein, on appelait les sciences justement héritées des anciens, les sciences des anciens, par opposition aux sciences musulmanes, qui comprenaient les études religieuses, la grammaire aussi, hein, très important. Donc, si vous voulez, cette médecine dont nous allons parler, elle s'est développée de manière très brillante à des moments privilégiés, où il n'y avait pas cette, et dans des lieux privilégiés où il n'y avait pas ces tensions. Mais donc, il ne faut pas. Vous voyez, c'est compliqué. Certainement, mais nous n'avons pas peur de la complexité. Les textes religieux, comme vous savez, on peut les utiliser dans un sens comme dans l'autre. Donc nous en abstiendrons. Alors, un mot de même, Bruno Alioua, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'en fait, c'est une civilisation qui dure à peu près 8 à 9 siècles. Et dans des lieux, sur des milliers de kilomètres. Donc on n'a pas une civilisation monomorphe, hein, telle qu'on pourrait le penser en regardant les textes. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que dans certains point précis à certaines époques. Il y a un élément de stabilité politique et puis il y a des souverains qui font preuve d'une générosité, d'une intelligence et d'une humanité dont on est tous admiratifs. Et c'est ces souverains en particulier à Bagdad ou à Damas à certaines périodes, ou au Caire à certaines périodes, ou à Kairouan ou dans l'Andalousie, qui vont permettre en fait d'améliorer cette médecine. Tout à fait. Pour conclure cette question-là, il n'y a pas de fond, de substrat ou de soutien théologique finalement à la pratique de cette médecine-là, selon vous, Daniel Jacquard? Non. Benoît Liwa? Moi, je pense que... peut-être je vais vous contredire un petit peu. Allons-y. Je pense qu'il y a quand même l'idée que l'être humain est au centre de tout et qu'il faut le protéger et que la vie est la plus importante et qu'il faut... Je crois que c'est un des principes de la religion musulmane. Et donc, ce principe où il faut à tout prix préserver la vie, à mon avis, c'est de là que découle cette médecine. Ça peut être joué dans la fondation des hôpitaux, par exemple. Mais disons, pour choisir le type de médecine qu'on va utiliser pour soigner les gens, là, je pense qu'il y a eu parfois des tensions. Tout à fait. Mais tout faire pour aider les gens, c'est un principe médico-religieux. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de l'âge d'or de la médecine arabe en compagnie de Daniel Jacquard et de Bruno Aliwa. On va l'examiner, cet âge d'or, par le fil chronologique. Daniel Jacquard, on dit que vous situez vous-même au 7e siècle, le début de l'expansion de l'Empire islamique, et puis finalement, enfin vous, les historiens en règle générale, pas vous individuellement, et donc le début finalement de cette pratique de la médecine qui est héritière des textes hellénistiques, des grands textes médico-hellénistiques, Hippocrate, Galien, Aristote également. Oui, dans un premier temps. Enfin bon, disons qu'on va partir, on va oublier quand même le 7e siècle et le 8e. Le grand moment commence au 9e siècle, donc sous la Bagdad abbaside, et avec un grand traducteur, Hunayn ibn Ishaq, qui était lui-même de langue maternelle syriaque. Donc on sait qu'il y a eu, avant ces traductions de Hunayn, certains textes qui ont été traduits du grec en syriaque par les chrétiens nestoriens. Bon, c'est une phase de l'histoire. Mais Hunayn a donc traduit un nombre considérable, je ne me souviens plus, 129, je crois, traités de Galien. Il a traduit aussi dans d'autres domaines de la science, mais essentiellement en médecine. Et là, c'est là qu'on peut vraiment faire partir la médecine qu'on appelle arabe, essentiellement du 9e siècle. Lui-même, Hunayn, a écrit aussi des ouvrages de médecine. Il était en rapport avec quelqu'un qui était peut-être son maître, Ibn Bassawé, qui venait d'une famille de grands médecins. Donc, il y a, vous voyez, au 9e, on peut faire partir du 9e siècle, disons, pour être clair. Oui, il y a une première partie qui serait justement l'acquisition, la traduction, la transcription d'abord. Et on sait bien que l'exercice de la traduction à l'époque n'est pas du tout l'exercice de la traduction tel qu'on l'entend aujourd'hui, Bruno Aliwa. Ce n'est pas de la traduction littérale, c'est de la réinterprétation, de la Écoutez, crois qu'en fait, il y a quand même. Il y a des personnes, des historiens qui dénomment cette période la fièvre des traductions. C'est-à-dire que pour qu'il y ait traducteur, il faut qu'il y ait financement de ces traducteurs. Et ça veut dire qu'il y a des souverains qui financent ces traductions. Ça, c'est le premier point. Et des traductions, bien sûr, le plus souvent en syriaque, mais également en sanskrit ou en pélévipère, enfin, dans d'autres langues. Donc, c'est pas une seule langue, c'est plusieurs langues. On les traduit en arabe et c'est une traduction par l'école de Ibn Ishaq qui est quand même assez intéressante parce que il y a vraiment un souhait de réaliser une traduction la plus précise possible. D'accord. Et surtout, il crée une école. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Il va avoir un fils qui va lui-même avoir. Il y a toute un état d'esprit qui est assez extraordinaire. Donc, je crois que c'est quand même important à une époque où finalement c'était quand même assez novateur cette notion de traduire à tout prix, parce que finalement traduire, ça voulait dire donner ce savoir à un maximum de choses. Mais probablement beaucoup plus important, c'est que ces mêmes souverains qui financent les traducteurs financent des expéditions un peu partout pour collecter des ouvrages les plus rares afin d'augmenter ces traductions. Daniel Jacquard. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y avait Hunayn ibn Ishaq a bénéficié de mécènes, si j'ose dire, et pas seulement souverains. Il y a aussi des médecins, des des personnes haut placées. Mmh. On cite souvent aussi des savants eux-mêmes, les Banu Moussa, qui se sont illustrés dans l'histoire de la mécanique, de la physique, et qui ont financé aussi des traductions de Hunayn. Donc il y avait toute une sorte d'intérêt de la société, intérêt des élites, je dirais, de la société, pour traduire en arabe, pour avoir une science en arabe. Pour avoir une science en arabe, et on parle de la médecine, mais on va parler aussi évidemment de l'algèbre. Enfin, c'est vraiment le début d'un âge d'or. Peut-être un mot sur l'état de l'expansion, justement, après la mort du prophète, donc au 7e siècle. Quel est l'état géopolitique de cet empire arabe naissant qui commence à s'étendre du bassin? Comme vous savez, il y a des conquêtes très importantes. Hein. Bon, pour le sujet qui nous occupe, c'est vrai que la prise d'Alexandrie, en 642, si je ne me trompe, est très importante, puisque là, il y avait une école où on parlait grec. Et pour rester dans le domaine de la médecine, l'un des derniers grands encyclopédistes grecs, Paul d'Égine, était contemporain de la prise d'Alexandrie par les musulmans. Donc il était là. Et son œuvre, d'ailleurs, a été utilisée. Donc, si vous voulez, c'est un peu la différence qu'on peut faire avec ce qui s'est passé plus tard en Occident latin. C'est que là, la science grecque, si j'ose dire, était un peu sur place. Vous voyez, bon, grâce aux conquêtes. Les conquêtes, et on parlait du Pelvi ou du Sanskrit, bon, c'est la même chose. L'Empire musulman s'est installé dans des terres où il y avait de la culture, des sciences. En Occident latin, chrétien, c'est tout à fait différent, parce que dans l'Antiquité, la science s'est écrite et la philosophie sont écrites en grec. Et à partir du moment où il y a une coupure entre l'Empire byzantin et puis le monde occidental chrétien latin, bien la connaissance du grec s'est perdue. Donc c'est tout à fait un autre processus, si vous voulez. Peut-être un mot justement sur cette situation géopolitique, oui, Bruno Alliois. Moi, je regarde d'un point de vue très extérieur. Je trouve que ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsqu'il y a la prise d'Alexandrie, il y a malgré tout une continuation des travaux scientifiques. C'est-à-dire que Alexandrie, c'est le centre du monde scientifique au niveau de tout le bassin méditerranéen. Il y a des savants qui viennent sur place. Mais surtout, Alexandrie, il y a des musées, il y a la fameuse bibliothèque. Déjà été détruite à la présence. Qui a été traduite, qui a été détruite. Mais en tout cas, il y a un état d'esprit. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je crois que c'est quand même assez extraordinaire, c'est cette multiplication des bibliothèques dans le monde arabo-musulman qui sera très importante. C'est-à-dire que je crois qu'avec un nombre d'ouvrages qui est colossal, je crois, presque 600 000 exemplaires, on dit à Bagdad, mais c'est énorme, c'est probablement exagéré, mais en tout cas sans aucun rapport avec celle de la bibliothèque qu'on a en Occident, où le nombre d'ouvrages est beaucoup moins important. Mais là, c'est un petit peu peut-être un peu... Je regarderais faire des comparaisons. Disons que si on veut faire des comparaisons avec ce qui se passe en Europe latine, chrétienne, il ne faut pas le faire au même moment. Il est impossible de comparer. Si on compare Bagdad au 9e siècle avec l'Occident latin au 9e siècle, bon là, effectivement, c'est démesuré. Mais il faut aller plus loin, au 13e, 14e, où vous allez retrouver un peu les mêmes choses, disons, au 13e, 14e, 15e siècle, en Europe occidentale. Donc, il vaut mieux éviter des comparaisons de ce genre. Un mot peut-être, Bruno Alliois, pour dire un peu ce dont hérite, justement, à ce moment-là, cet empire arabe en pleine expansion, en termes d'histoire de la médecine, les textes fondateurs, Galien, Hippocrate, la théorie des humeurs, on est sur une médecine très rudimentaire. Oui, c'est une médecine rudimentaire. Une connaissance du corps humain très rudimentaire. Oui, rudimentaire, mais là aussi, c'est quand même une médecine quand même assez intéressante, parce que elle va rester un des fondements de la médecine moderne, et même la chirurgie, on peut dire c'est rudimentaire, mais ça sera la même chirurgie qu'on va exercer jusqu'au 19e siècle. Non, peut-être que ce qui va changer, c'est que c'est une médecine où on ne sait pas ce qui se passe complètement dans certains, partout dans le monde occidental, mais en tout cas, il est sûr qu'il y a des médecins qui remettent en question certains dogmes et qui n'hésitent pas à remettre, mais ils remettent certaines questions. Et puis, par exemple, Ils vont remettre en question, bah, on parle par exemple de la mâchoire, selon Galien, vous avez le maxillaire inférieur et comporte deux parties. C'est un dogme. Personne. Et puis il y a une épidémie avec des tas de morts dans une des villes et il y a un médecin qui arrive et qui déterre les morts, qui voit les cadavres, qui voit que les maxillaires c'est qu'une seule un seul os. Donc là, c'est, je dis pas que c'est une énorme invention, mais en tout cas, vous avez par exemple Maïmonide qui remet en question l'ovaire droit et l'ovaire gauche. Vous avez des, et c'est pas pour ça qu'ils vont être persécutés, voilà. Disons, j'emploierai pas le mot rudimentaire. Bon, d'abord, Galien, la médecine grecque antique, ça n'est pas qu'une histoire d'humeur. C'est bien, Galien était un grand médecin, il écrit beaucoup. Évidemment, ce n'est pas la médecine actuelle. On est bien d'accord. Mais il y a une réflexion vraiment sur le fonctionnement du corps humain. C'était un grand anatomiste. Évidemment, il a commis des erreurs, mais pas tant que ça, si on veut, si on voit la somme du savoir, hein. Bon, évidemment, ça a été corrigé. Alors, situons-nous dans la perspective d'un rapport de la médecine grecque, essentiellement galien, faut bien dire. Galénique, oui. Et la médecine arabe. Bon, il y a par exemple quelqu'un qui a écrit, c'était un genre d'écrit qui existait beaucoup aussi en astronomie, ce qu'on appelle le livre des doutes. Et Razi, un grand médecin dans les Mohamed Mohammed bin Razès, voilà. Razi, donc, l'un des grands encyclopédistes. Qui est au tournant du 9e et du 10e siècle, a écrit justement un livre qui s'appelle Les doutes sur Galien. Bon, si je vous dis ce qui remet en question, vous allez me dire, mais c'est des ratiocinages. Effectivement, ce sont des dailles. Parce que si Razi est capable d'écrire un livre sur les doutes de Galien, c'est qu'il a lu énormément de livres de Galien et que lui-même est pétri de médecine galénique. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué. Alors, une vraie... Restons sur Razi, parce que c'est intéressant, puisque c'est peut-être le premier à réfuter. Si vous voulez... Bah, en partie, Galien. Oui, mais alors, si je vous dis, moi j'ai lu le livre sur les doutes de Galien. Qu'est-ce qu'il réfute précisément? Mais justement, je ne peux pas vous le résumer, parce que quand vous parlez de médecine rudimentaire, justement, ce n'est pas une médecine rudimentaire. Donc, il va réfuter sur une des erreurs de raisonnement, sur des détails. Vous voyez, il ne va pas remettre en cause le système, pas du tout. Alors, une vraie remise en cause fondamentale, mais qui arrive bien plus tard dans le monde arabe, et qui n'a pas été, qui a été son lendemain dans le monde arabe, c'est Ibn al-Nafis au XIIIe siècle. Alors là, il remet, et donc c'est dans les prémices, dans les histoires de la médecine, on raconte toujours ça, c'est les prémices de la découverte qui aura lieu plus tard au XVIIe siècle par William Harvey, de la circulation du sang. Donc alors là, Ibn al-Nafis, c'est une remise en cause, je dirais, profonde, tout à fait fondamentale, puisqu'il récuse l'idée qu'il y ait un passage entre le ventricule droit et le ventricule gauche du cœur, et donc il imagine un transit par les poumons. Il décrit la circulation pulmonaire. Pas complètement, un transit, mais voilà. Donc ça, c'est une vraie remise en cause, si vous voulez. Mais d'ailleurs, c'est à partir d'Avicenne, c'est Avicenne qui remet en cause, qui reprenait Galien. Vous voyez. Donc c'est pas si facile de dire. C'est l'apport de la médecine arabe est ailleurs, à mon avis. Peut-être un mot sur Razi Bruno Aliwa, qui est l'un des premiers grands noms, qui va l'un des premiers grands scientifiques à essayer d'établir des sommes, ou en tout cas de poser des traités de médecine. Peut-être l'un des apports de Razi, Razès, bon, il a plus différents noms, je le soumets à votre commentaire, bien entendu, ce serait celui des prémices de l'hygiène, en fait. Oui. Oui, oui. Mais c'est là où on peut dire qu'il y a probablement, mais tout à l'heure on a dit la religion, non. Il est vrai que dans les préceptes de Mahomet, on impose une hygiène, on dit qu'il faut se laver les mains et se débarrasser des graisses et des saletés avant de manger. Dans la médecine hébraïque des sages du Talmud qui datent du... on impose un certain nombre de règles d'hygiène. On a des connaissances très parcellaires du mode de transmission des maladies infectieuses, mais on suppose qu'il y a probablement le rôle d'une mauvaise hygiène. Qu'on a la même chose probablement en Occident, mais là, en tout cas, Razès, lui, c'est quelqu'un, on peut le dire quand même, assez imaginative et puis qui a des tas d'idées. Alors on raconte des tas de choses. Par exemple, il y a une légende racontée. La belle histoire, enfin, qu'on connaît tous, mais est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? En tout cas, elle mérite d'être racontée. Mm-hmm. C'est la décision de faire un hôpital à Bagdad et le lieu dans lequel on va faire cet hôpital. On raconte que Razès, on lui demande quel lieu il doit choisir. On raconte qu'il demande qu'on mette des carcasses de viande à plusieurs endroits. Et l'endroit où il y aura le moins de mouches, il faudra installer l'hôpital à cet endroit-là. Mm-hmm. Force est de constater que même si cette histoire elle n'est pas vraie, mm-hmm. en tout cas, elle est véhiculée même tardivement dans le monde arabo-musulman, en tout cas bien oui. avant Pasteur, bien avant le 19e siècle. Donc, oui, non, Razi, c'est un auteur tout à fait passionnant et extraordinaire, qui a une bibliothèque, là, pour le coup, très importante, puisque d'ouvrages qui ont été traduits du grec, du persan, du sanskrit, etc. Et même certains... nous connaissons des extraits de certains ouvrages perdus en grec grâce aux longues citations qu'on a faites Razi en arabe. C'est vous dire, donc, d'un côté, une grande bibliothèque et donc des lectures abondantes. Et en même temps, des observations, c'est quelqu'un qui a écrit, donné des récits de cas, qui faisait des observations soit à l'hôpital, soit dans sa clientèle particulière. Et là, c'est vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que, alors si vous voulez, si on veut trouver des antécédents antiques, ça ne sera pas du côté de Galien qu'on va les trouver, mais c'est plutôt dans ce qu'on appelle les épidémies hippocratiques, qui ont dû servir un peu de modèle à Razi, où on décrivait, comme ça, sans interprétation, ce qu'on voyait. Le médecin décrivait ce qu'il voyait, les signes. Bon. Et Razi le fait beaucoup, et c'est tout à fait passionnant, et il y a, une approche qu'on peut appeler expérimentale. Alors, évidemment, ça n'a pas forcément débouché sur des découvertes au sens moderne du terme, parce que, bon, ça fait partie de tout un ensemble interprétatif, mais je vais donner un exemple. Par exemple, il raconte que, dans un hôpital, il y avait des cas de méningite. Et il avait bien vu que c'était contagieux, etc. Bon. Et, enfin, ce qu'il appelle une méningite. Bon. Et, pour faire une observation, pour voir, mais alors, vous voyez, bon, c'est la méthode qui nous intéresse, mais finalement, le résultat est up-to-date, comme on l'a. Bon. Il a donc partagé en deux un groupe, ça c'est intéressant hein, comme démarche, un groupe auquel il a administré des saignées, un autre groupe auquel il n'a pas administré des saignées. Donc son but... Ça s'appelle aujourd'hui ça s'appelle un essai clinique. Hein. Voilà, c'était pour voir si l'efficacité de la saignée. Bon. Voilà. Contre-placebo. Et donc, il a, bon, je crois que la conclusion était que ceux qui n'avaient pas eu de saignée, ou c'est l'inverse, je me souviens plus très bien, mouraient davantage. Vous voyez, donc c'est la démarche qui est intéressante. Démarche expérimentale. Et c'est en cela que c'est important dans l'histoire de la médecine. Mais bon, c'était, l'expérience était un peu inadaptée à savoir si la saignée était utile ou pas. Je pense qu'on n'en referait plus l'expérience. On ferait plus l'expérience, mais néanmoins. Enfin, on se souvient de Molière qui se moque de ces gens qui meurent d'avoir été trop saignés. Moi, je pense que on peut dire chapeau, parce qu'on est à une période, on est presque 10 siècles avant Molière, quoi. Mmh. Et le type a quand même des idées. En plus, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que c'est vraiment un médecin de terrain. On sent dans ses écrits que c'est quelqu'un qui a appris à soigner, et donc il va bien sûr donner des conseils d'hygiène. Soulever l'importance de l'hygiène, mais également, il va donner deux choses intéressantes. C'est, il va véritablement être à la base de la médecine préventive. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est quand même assez intéressant quand il parle de l'importance de régime alimentaire, exercice physique. Oui, mais il a quand même quelque chose que moi je trouve intéressant en tant que médecin. Et quand il dit un malade, il ne faut pas obligatoirement lui donner un médicament. Et ça, c'est intéressant. Il préférait un bon régime alimentaire à un médicament. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'on subodore, mais en tout cas, force est de constater que il a probablement dû aller en l'encontre de pas mal de ses pairs. Chez Razi, c'est ainsi, tu es le début de la prophylaxie. Daniel Jacquard, vous dites que Razi n'est pas le seul à proposer... Non, ça faisait partie, effectivement, c'est l'un des acquis de la médecine arabe, disons qu'ils ont mis en forme vraiment une attention à l'environnement, je dirais, du patient ou de la personne saine pour qu'elle reste en bonne santé. Et donc, attention à l'air qu'on respire, très important, attention à l'alimentation, la boisson, aux activités aussi. Et puis, ce qu'on appelait la répression, l'évacuation, au sein de laquelle on intégrait les bains, l'activité sexuelle aussi. Et puis, ce qui est très important, les émotions. Les émotions. Tout cela fait partie de ce qu'on appelait, de ce qui était appelé soit facteur nécessaire chez Avicenne, soit chose non naturelle chez d'autres, donc qui agissent pour préserver la santé ou bien, au contraire, causer la maladie. Donc, une grande attention. Ça, c'est. Et pas seulement chez Razi, c'est pour ça que j'interviens. C'est effectivement quelque chose de très important, mais pas seulement chez Razi, qui c'est un des piliers, je dirais, de cette médecine arabe. À 16h33 sur France Culture, nous n'avons bien sûr pas pu résister un peu de musique arabo-andalouse par Marcel Khalifé, une suite andalouse pour oud et orchestre, puisque nous parlons de l'âge d'or de la médecine arabe tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Danielle Jacquard, qui est directrice d'études émérite à l'École pratique des hautes études, à la chaire d'histoire des sciences du Moyen-Âge et membre de l'Académie internationale de l'histoire des sciences, avec Bruno Aliwa, qui est dermatologue, enseignant d'histoire de la médecine à Sorbonne Université et membre de la Société française d'histoire de la médecine. Alors, l'autre grand nom, on a parlé de Razi. On n'aura pas le temps en une seule heure malheureusement, mais ça donnera lieu à de futures émissions. L'autre grand nom de cet âge d'or de la médecine arabe, il a déjà été prononcé à quelques reprises dans la première partie de cette émission, c'est évidemment celui d'Abou Ali Al-Hussein, plus connu sous le nom d'Avicenne. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi son canon, son grand œuvre, le canon d'Avicenne, a-t-il connu ce succès qui a largement dépassé le Moyen-Âge oriental ? Vous avez mené votre petite enquête historique. Oui, cette enquête, je l'ai menée avec quelqu'un que vous connaissez bien, Danielle Jacquard, puisqu'il s'agit de Joël Chandelier, qui est maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris 8. Il m'a raconté l'histoire de ce savant persan qui a marqué l'histoire de la médecine, mais aussi de son ouvrage majeur, le canon, qui a marqué, lui, l'histoire de la médecine et qui a servi de référence du XIe au XVIIe siècle, aussi bien en Orient qu'en Occident. De sa splendeur à sa remise en question, Joël Chandelier nous détaille donc les mille et une vies, ou presque, du canon d'Avicenne. Alors Avicenne, c'est un philosophe d'abord, avant tout, mais au sens que ça avait dans le monde arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse aux sciences, à la philosophie telle qu'on la comprend aujourd'hui, mais aussi à la médecine. Donc il est né en 980, mort en 1037. Et donc lui, il s'inscrit déjà dans une tradition. Il n'est pas du tout isolé, c'est pas un personnage qui sort de nulle part. Il y a eu des traités médicaux avant lui, il y a eu des traités philosophiques. Et lui, son ambition, c'est de faire une immense synthèse, qu'il a donc rédigée sur l'ensemble de sa vie. Il a rédigé plusieurs ouvrages, plus ou moins gros, mais enfin, le gros ouvrage, c'est ce canon. Donc canon, ça vient en fait du grec, hein, ça veut dire la règle, mais passé en arabe. Son but, c'est de donner des règles. Des règles aux médecins. Lui-même était médecin, même si c'est probablement pas l'essentiel de son activité, il n'est pas un praticien régulier. Plutôt, ce qu'il veut faire, c'est donner des règles, à la fois pour encadrer la pratique, c'est-à-dire voilà, en s'appuyant sur les textes anciens, mais en expliquant voilà ce qu'il faut faire pour les médecins, et aussi rendre la médecine cohérente avec tout le reste de son œuvre philosophique. C'est-à-dire qu'il veut que la médecine soit intégrée dans un ensemble plus vaste, pour qu'elle devienne voilà, une partie du savoir. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve un petit peu d'important dans cette synthèse en cinq grands ouvrages, cinq grands tomes? Qu'est-ce qui surnage dans toutes ces choses qui sont établies par ce canon? Alors déjà, il y a l'organisation elle-même du livre, qui en soi est originale. Il y avait une tradition arabe qui était de diviser la médecine en théorie et pratique. Mais en fait, Avicenne est contre cette idée. Il considère qu'on ne peut pas séparer les deux, qu'il y a une structuration de la médecine, évidemment, mais on ne peut pas juste séparer d'un côté la théorie, de l'autre côté la pratique, parce que pour lui, évidemment, la médecine ne peut que être pratique. En revanche, il y a une partie théorique de la médecine, propre, mais l'objectif final est toujours la pratique, et surtout, elle doit être cohérente avec ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire la science. Lui, il parle de philosophie naturelle, en fait, nous, on dirait de la biologie. C'est-à-dire que pour lui, il y a des incohérences entre la biologie telle que voilà, elle est connue à l'époque et ce que disent les médecins, bah, il faut les résoudre. Et il propose plusieurs méthodes pour les résoudre. C'est-à-dire qu'il a, rendu la médecine cohérente et adaptable à la philosophie. Donc ça, c'est surtout dans son premier livre, qui est un livre sur les généralités, qui explique le fonctionnement du corps humain, etc. Dans ce livre-là aussi, une particularité, c'est qu'il y a toute une partie anatomique où il s'est appuyé sur les auteurs anciens, probablement pas de dissection de sa part ou de choses comme ça, mais il a essayé de faire aussi une présentation du fonctionnement du corps humain qui soit vraiment très très bien ordonnée. Ensuite, c'est le propre d'une encyclopédie, c'est-à-dire qu'il a, il y a un livre sur les médicaments simples, donc des substances uniques qu'on utilise pour la pharmacopée. Il en prend évidemment chez les Grecs, mais aussi chez les Persans, parfois chez les Indiens ou encore d'autres origines. Et il y a un énorme livre sur les maladies de la tête aux pieds. Et là, une de ses originalités, outre les petits détails, c'est qu'il commence par l'anatomie à chaque fois. Il dit, voilà, pour soigner un membre, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Ça, c'est original et ça aura une grande influence. Il est souvent mis en avant, Avicenne, comme étant été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à proposer des règles d'expérience médicale, justement pour ces médicaments simples. Dans la tradition ancienne, bon, les médicaments sont transmis par l'expérience, c'est-à-dire qu'on a observé que telle plante soigne telle maladie, bon ben voilà, on le transmet. Avicenne se pose la question de savoir comment on peut ajouter des connaissances ou vérifier éventuellement des connaissances. Et il dit il faut un certain nombre de règles pour encadrer cette expérience, parce que si c'est juste dire on a l'impression que ça marche, du pur empirisme, ça ne fait pas progresser la science. Et donc il donne sept règles dans le livre 2, justement, sur les médicaments simples, sept règles à suivre dans le cadre d'une expérience. C'est la première fois qu'il y a vraiment une liste claire de règles, bon, qui sont parfois difficiles à appliquer d'un point concret, mais d'un point de vue théorique, ça c'est vraiment une avancée importante. Alors quelle est la réception justement de ce canon, aussi bien dans le monde oriental que dans le monde occidental? Alors, dans le monde oriental, c'est un texte qui a eu un succès énorme, et ce très très très, jusque très tard, on pourrait même dire jusqu'à aujourd'hui, un très grand succès qui a produit du coup des commentaires en arabe, des résumés aussi, et ce, donc, jusque très tard, un cas assez original, c'est que cette médecine-là s'est développée jusqu'en Inde, et encore aujourd'hui, elle est pratiquée comme une médecine traditionnelle indienne, la médecine Yunani, qui en fait veut dire la médecine ionienne, donc en fait c'est la médecine grecque, et le manuel de cette médecine encore aujourd'hui, qui est donc, voilà, une médecine traditionnelle de l'Inde, une des cinq médecines d'ailleurs reconnues par l'État, c'est le canon d'Avicenne. Et dans le monde occidental, du coup, comment ce texte-là arrive jusqu'à l'Europe et comment il est reçu, adopté comme un ouvrage de référence? Alors en fait, le texte est traduit au XIIe siècle en Espagne, à Tolède, par un Italien qui s'appelait Gérard de Crémone. Et ensuite, le texte a commencé à se diffuser en Occident, d'abord assez difficilement parce que c'est quand même un énorme texte. Mais une fois que l'Occident était en état d'en tirer le fruit, il a eu un succès énorme, c'est-à-dire grosso modo à partir du moment où les universités se développent. Hein, c'est vraiment un texte qui est très rapidement est devenu un texte universitaire, donc à la fin du XIIIe siècle, en France, en Italie et partout en Europe, de manière générale, partout où il y avait des universités, en fait. Et ça, ça a duré donc de la fin du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Ça a duré 4 siècles. Pourquoi cette postérité a été aussi longue et qu'est-ce qui y a mis un terme, en fait ? Alors, il y a une première raison, c'est que, bon, un des grands traits de la Renaissance, c'est le retour à l'Antiquité. C'est bien connu. Et donc, les auteurs de la Renaissance se sont intéressés quand même aux auteurs grecs. Ils ont décidé de revenir à Galien, à Hippocrate. Et ils ont commencé à critiquer en particulier la langue utilisée. Alors, évidemment, Avicenne a écrit en arabe. La traduction en latin faite par Gérard de Crémone est quand même une traduction qui est technique, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de faire du beau latin, l'objectif c'est d'être utile. Et ça, les humanistes ont commencé à dire, c'est quand même mal écrit, ce qui est assez vrai. Il y a eu une retraduction, d'ailleurs, du coup, du texte pour le rendre plus facile à utiliser. Voilà, donc ça c'est une première raison. Et la deuxième raison, qui est quand même la principale, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, une grande partie de la médecine grecque a commencé à être remise en cause, y compris d'ailleurs Galien et d'autres, et Aristote, etc. Et donc Avicenne a été pris en fait dans ce mouvement-là. Donc il y a eu d'autres textes qui ont été rédigés pour commencer à remplacer cette médecine. Donc tant que la médecine grecque, gréco-arabe, on va dire, était, disons, florissante, ce texte restait important. À partir du moment où elle est remise en cause, évidemment, on pointe des erreurs, on pointe des difficultés dans le texte et on finit par l'abandonner petit à petit. Voilà ce reportage sur le canon d'Avicenne et sur son importance et sa postérité. Un mot, Daniel Jacquard, sur ce qui vient d'être dit ? Eh bien, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que une légende ou une semi-légende veut qu'au XVIe siècle, Paracelse ait fait un auto-da-fé spectaculaire du canon d'Avicenne. Et donc, souvent, dans l'histoire les histoires de la médecine, on se moque un peu de ce canon d'Avicenne. Alors que c'est une œuvre absolument prodigieuse, d'ailleurs c'est assez difficile de maîtriser l'ensemble, dans sa conception c'est vraiment penser la médecine, repenser la médecine, alors évidemment en se servant de l'existant, hein, de son temps. Avicenne n'a pas beaucoup innové au sens où il aurait apporté des choses qui n'avaient pas été dites avant, mais il a complètement organisé, et comme le disait très bien Joël Chandelier, il a justement, tout en étant lui-même philosophe, philosophe de la nature, il a vraiment montré qu'il fallait... Certes, le médecin s'appuyait sur ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie, certainement, mais comme la biologie de ce temps-là, bon, c'était Aristote, et qu'entre Aristote et Galien, il y a 4 siècles qui séparent, par exemple, Galien, Aristote ne connaissait pas les nerfs, bon, et pensait que le cerveau n'avait qu'un rôle réfrigérant. Donc évidemment, des choses se sont passées. Donc, ce qu'on appelait la biologie au temps d'Avicenne, c'était celle en grosso modo d'Aristote, elle ne pouvait plus être compatible avec la médecine d'influence galénique. Et donc, Avicenne pense une médecine qui serait autonome, parce qu'elle n'a pas la même finalité que la biologie. La biologie, c'est la recherche, pour la recherche. Alors que la médecine, elle est faite pour une efficacité, pour une utilité. Et donc, dans une certaine manière, la théorie médicale peut se démarquer un petit peu de la philosophie naturelle. Bon. Et donc, il forme un ensemble, bon, son œuvre, je crois qu'il n'y a pas de titre à l'origine, c'est en fait le livre des canons, des règles, et donc ce qui est très important et très bien structuré, c'est qu'il part de règles générales pour passer au travers des différents livres à des règles plus particulières et finalement pour être appliquées dans la pratique quotidienne. Et donc c'est vraiment une médecine qui se veut éminemment scientifique et qui passe vraiment du plus général au plus quotidien. Donc c'est en cela que c'est une œuvre assez impressionnante. Bruno Libois. Là, il faut aussi voir le contexte. Avicenne, né en 980, il vit jusqu'en 1037. C'est une période particulière puisque il faut comprendre que jusqu'en 931, n'importe qui dans l'empire arabo-musulman peut soigner, traiter. Il y a, en fait, on dit classiquement que en 931, le souverain de Bagdad, Al-Muqtadir, impose en fait une réglementation pour la première fois de la profession médicale en imposant en fait une sorte de certificat de un comité de médecins chargé en fait de statuer qui est capable d'être médecin ou pas. Et donc on sépare d'emblée les médecins de tous les guérisseurs, soigneurs, rebouteux qui devaient peupler en fait des villes comme Bagdad, Le Caire, etc. Donc bon, après c'est très important cette réglementation de la médecine. Donc pour être un bon médecin, il faut avoir des capacités. Et là, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a le savoir médical, et je pense que finalement, on le sait probablement que tout jeune médecin à partir du Xe siècle doit connaître le canon. Mais surtout, la deuxième chose, c'est qu'il y a également, de la part de Razès, c'est, on le voit beaucoup plus que dans l'œuvre de d'Avicenne, cette idée selon laquelle il est très important de se séparer de tous les médecins ignorants, de tous les charlatans. Ce que vous dites l'un et l'autre finalement, c'est que Razès, dans un premier temps, puis confirmé par Avicenne, cette médecine arabe impose à la médecine une méthode scientifique qui n'existait pas auparavant, Daniel Jacquard. Ou qui n'existait de façon éparse. Disons qu'il n'était pas codifié de cette manière-là. C'est en cela. Vous voyez, bon, Galien, forcément, il a écrit beaucoup d'ouvrages dispersés. Mais là, on a vraiment une pensée structurée qui se veut pédagogique, d'une certaine manière. Il y a certainement plus d'intérêt pour transmettre un savoir pour la formation de médecins que, peut-être que les antiquisants vont bondir en entendant ça, que chez un Galien qui écrit, pour l'éternité, pour lui-même, et, bon certes pour former des médecins, tandis que là, et c'est une volonté pédagogique. Ce que je dis, effectivement, il y a l'idée de former des médecins compétents. Oui, c'est ça. Et c'est en cela que ces œuvres sont importantes, parce qu'elles pensent une médecine qui doit former des jeunes médecins, etc. Comment est-ce qu'on explique la postérité d'Avicenne, de ce canon, par rapport à d'autres auteurs ? On parlait de Razès tout à l'heure, mais on peut parler par exemple de la somme d'Aboulcassis, qui est une somme de 30 volumes, qui est très importante, et qui est passée beaucoup plus dans les faubourgs de l'histoire de la médecine. C'est-à-dire qu'Aboulcassis, Zahraoui. Zahraoui, Aboul al-Qassim al-Zahraoui. Qui est né de Cordoue, à Madina al-Zahra, la ville justement fondée, vers l'an 1000. Il a écrit une très grande encyclopédie, d'ailleurs qui est très peu étudiée même de nos jours, mais on a été utilisé et traduit en latin, principalement qu'une partie sur la chirurgie. Mais là, il y a eu aussi une influence considérable. Oui. Et c'est aussi un ouvrage très important et qui l'a encore, vous voyez, qui, tout en utilisant Paul Desgine dont je parlais tout à l'heure, intègre de la pratique et des illustrations d'instruments, ce qui était total. Et là aussi, vous voyez, on voit que c'est pas une somme écrite comme ça pour des lettrés ou pour se faire plaisir, c'est pour former. Pratique. Pour former, c'est du... scientifiquement, des gens qui vont pratiquer après. Oui, c'est... Bruno Liwa. Je pense que il faut voir que les deux, en fait, ont la même logique. L'enseignement, la transmission du savoir, l'amélioration d'un savoir. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est quand même assez novateur. Mais ce que je trouve qui est assez intéressant chez Aboulcassis, c'est que il dit, et il le réclame, il dit c'est très important, nul ne peut faire de la chirurgie s'il ne connaît pas l'anatomie. C'est-à-dire vraiment, on peut pas confier, alors que au même moment, et jusqu'au XVIIIe siècle, dans l'Occident, celui qui fera de la chirurgie, c'est ni plus ni moins que le rebouteux, le barbier. Excusez-moi, mais je vais encore être obligé de réagir. Vous avez quand même les œuvres de Guy de Chauliac ou d'Henri de Mondeville. Oui, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. C'est Henri de Mondeville, il a écrit entre 1306 et 1315. Oui, on est au XIVe siècle. Là, on est au XIXe. Aboulcassis, on est au XIXe. Ah oui, parce que vous parliez du XVIIIe siècle, alors. Non, Chauliac, c'est quand même un petit peu inspiré d'Aboulcassis, si vous permettez, quand même, malgré tout. Je crois que malgré tout, c'est quand même assez novateur. Et au même moment, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'il insiste sur l'importance de la connaissance de l'anatomie. Il fait aussi des choses assez extraordinaires, moi, d'un point de vue médical. C'est le type qui invente des instruments qui conçoit des instruments, et qui explique comment les reproduire. Fabriquer des instruments. Et ces instruments, ils vont être utilisés jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la pince, en obstétrique. Il va inventer aussi des techniques opératoires. Alors, il y a des techniques, il va pas les inventer. Personne n'invente en médecine. Mais il les fixe. Il les fixe, mais surtout il les améliore. Il va améliorer. On dit qu'il va, faire des premières fois les plâtres avec un mélange d'œufs de lin et on prend des bandelettes de lin qui permettent de faire des plâtres. Oui, les plâtres ont toujours existé, mais en tout cas, lui le conceptualise. C'est lui qui l'écrit pour la première fois. Alors pourquoi il n'est pas connu? C'est probablement parce que la chirurgie restera le parent pauvre de la médecine. Il est connu quand même. Il est connu pour sa chirurgie. Mais comme on vient de le dire, son livre sur la chirurgie, ça fait partie d'une encyclopédie en 33 livres ou en 30. Et donc, c'est le reste de son encyclopédie médicale qu'il est. Vous voyez, il n'a pas écrit que sur la bien chirurgie. Sûr. Et on ne connaît que sa chirurgie, justement. Bien sûr. Alors qu'il parle de la chirurgie du cancer de la langue, la chirurgie du cancer du sein, et de la grossesse extra-utérine, mais quand même, félicitations. C'est lui qui met au point la première seringue. J'aimerais qu'on dise un mot aussi, on l'a abordé de loin en loin tout de même, mais c'est quelque chose et c'est un apport important puisque c'est de Bagdad que va revenir et que vont s'organiser les premiers hôpitaux de retour des croisades d'ailleurs avec Louis IX. Justement sur l'organisation des soins, Daniel Jacquard, on parle du premier hôpital, le Bimaristan à Bagdad, qui est une invention, une organisation des soins, un accès universel aux soins, qui pour le coup est complètement nouveau. Oui, alors cette question de l'hôpital en terre islamique médiévale, c'est un grand sujet qui a amené des polémiques, mais enfin, ce qu'on peut dire, on essaie de rattacher cela à des initiatives byzantines, ce qu'on appelait les xénodokia, mais qui étaient faiblement médicalisées malgré tout. Et si on compare, alors là on peut faire vraiment une comparaison entre l'hôpital dans le monde islamique tel que construit à Bagdad et puis ensuite à Damas, au Caire, etc. Et l'hôpital qu'on va concevoir en Occident chrétien, c'est assez différent. En Occident chrétien, la médicalisation est quand même assez lente. Même au Moyen-Âge, même à la fin du Moyen-Âge, c'est essentiellement pour les pauvres, les indigents, les gens de passage. Bon. Parce qu'on peut des mouroirs. Ou alors pour des assistants. Les médecins pénètrent peu. Ce qui est intéressant, alors évidemment, il y a beaucoup aussi d'exagération parfois, mais disons, dans le meilleur des cas, quand c'était pendant une période idéale, à tout point de vue, on concevait l'hôpital en terre d'islam, excusez-moi, comme effectivement un lieu fortement médicalisé. On sait que pour l'hôpital, le premier hôpital, je crois, à Bagdad ou ailleurs, je ne me souviens plus exactement, il y avait 25 médecins qui étaient là en permanence, ce qui n'est pas peu. Bon, là, il n'y a vraiment rien à voir avec ce qui s'est passé, même plus tard en Occident. Et on suppose des spécialisations, mais en fonction, là il ne faut pas être anachronique, en fonction des connaissances médicales du temps. Par elle, du bâtiment. En fonction des... On a prévu, dans certains cas, un endroit pour traiter les maladies mentales. Bon, et surtout, et ce qui n'existera en Occident que bien plus tard, je vous dis, dans les meilleurs des cas, dans une bonne période, etc., c'était aussi un lieu d'enseignement. C'est là qu'on enseignait la médecine. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une configuration de l'hôpital, une conception de l'hôpital qui est... vraiment différente de ce que avait connu le monde byzantin et ce que connu l'Occident même plus tard, voyez. Donc là, on ne sait pas très bien dans quelle mesure cet hôpital idéal a fonctionné, pendant combien de temps, ou voilà. Mais bon, c'était une belle idée. Bruno Lesbois. Oui, belle idée, et puis surtout, organisation administrative. Une organisation administrative, c'est-à-dire que vous avez un directeur, le Martha, vous avez le gestionnaire, le Nazir, et le Nazir qui est chargé en fait de gérer l'administration de l'hôpital, qui comprend une cuisine, qui comprend un hammam. Enfin, il y a quand même des éléments novateurs dans ces hôpitaux. Complètement, oui. Et puis surtout, il y a probablement, ça fait l'objet de beaucoup de livres, et on va pas y revenir, mais quand même l'architecture. Si aujourd'hui dans des hôpitaux tel que l'Hôtel Dieu, on a un petit bassin au milieu avec un peu d'eau, c'est parce que on s'inspire un peu de ces hôpitaux qui sont faits un petit peu sur le modèle des palais, c'est-à-dire avec une petite fontaine au milieu, un peu de végétation, probablement une circulation de l'air, puisque c'est on l'a dit tout à l'heure, une prise en compte des facteurs environnementaux. Alors on raconte la musique, ça on pourra toujours raconter beaucoup de choses, mais moi je trouve que c'est assez extraordinaire. En tout cas, novateur, et puis surtout pour moi qui suis médecin, enseignement au lit du malade. Et là, c'est dans les hôpitaux que se trouve concentrée la crème de crème des médecins hospitaliers. Un mot pour conclure, il nous reste quelques minutes, sur le transfert de connaissances de cet âge d'or de la médecine arabe vers l'Occident. On dit que l'interface, ça commence dans ce monde arabo-andalou sur la péninsule ibérique. Est-ce que c'est vrai? Par quelles sont par les croisades aussi, hein, puisqu'on parle... Non, ça c'est pas vrai. Justement, Daniel Jacquard, en quelques mots. Oh, les croisades, bon, dans le domaine de... ce domaine-là, il vaut mieux les oublier. En revanche, bon, c'est vrai que on parlait du canon d'Avicenne traduit par Gérard de Crémone au XIIe siècle. Donc là, effectivement, c'est il a trouvé en Espagne avant musulmane de quoi à la fois des livres, des textes arabes et puis des gens qui parlaient encore arabe. Mais le transfert de la science arabe, de la médecine arabe, s'est fait plutôt à la fin du XIe siècle. Et pas du tout par le canal espagnol. Il s'est fait plutôt en Italie du Sud, dans une abbaye, l'abbaye bénédictine du Mont Cassin. Et là, c'est Constantin l'Africain, quelqu'un qui venait du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Là aussi, il y avait, surtout au Xe siècle, XIe siècle, il y avait d'importants centres médicaux, des auteurs importants. Et donc c'est quelqu'un, on dit que c'est un marchand, d'autres disent que c'est un médecin, enfin bon, peu importe, quelqu'un qui a quitté, probablement chrétien d'origine, qui a quitté le Maghreb, on dit qu'il est né à Carthage, donc disons que près de Tunis, et qui est venu en Italie du Sud, où, après ça va se développer à Salerne, et donc c'est la première importation très importante de médecine arabe en Occident, c'est fin 11e, Mont Cassin, par quelqu'un qui venait d'Afrique du Nord. Pour conclure, Bruno Aliwa, aujourd'hui, cette histoire de la médecine arabe, elle est réintégrée complètement, elle est réhabilitée dans l'enseignement de la médecine universitaire. Est-ce qu'on lui donne la place qu'elle a, ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là? Oui, il y a beaucoup de travail, et je crois que par rapport à la... au nombre, je crois près de 500 livres ont été recensés en médecine arabe. Le nombre d'ouvrages sur la médecine arabe aujourd'hui est très très limité. Et c'est... Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je crois qu'en fait on a oublié, et je crois que c'est aussi un des éléments les plus importants à rappeler, c'est la pharmacie, la pharmacologie, la pharmacopée, les nouvelles formes. Donc je crois que on peut dire qu'ils nous ont beaucoup apporté. Et puis peut-être un petit plus aussi, c'est le rôle bien sûr de l'école de Salerne, et puis aussi le rôle de ces médecins juifs qui ont aussi assuré la diffusion du savoir de cette médecine arabe, qui ont participé également à cette transmission du savoir non négligeable. Eh bien écoutez, vous reviendrez l'un et l'autre pour nous parler, pour faire un deuxième chapitre de cette histoire de la médecine arabe et pour contribuer à diffuser cette connaissance. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus nous en parler. Merci Daniel Jacquard, je renvoie à votre livre, hein, L'épopée de la science arabe, c'est chez Gallimard. Merci Bruno Aliwa, on peut trouver d'importants chapitres consacrés à la médecine arabe dans votre histoire de la médecine pour les nuls aux éditions First Edition. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lausanne, Étienne Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, c'est un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question, entre autres, des méga-feux de forêt, de la blockchain, également de cette histoire d'attaque acoustique à l'ambassade américaine à Cuba. Et nous reviendrons également sur ce deuxième patient qui a été déclaré guéri du VIH après une transplantation de moelle osseuse. Tout ça, c'est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.